Un mois après l'annonce de la mise au point de deux vaccins contre le SARS-CoV-2, les plans de vaccination se mettent en place au pas de course à travers le monde. Il s'agit de prodiguer dans les plus brefs délais ces vaccins et d'endiguer l'épidémie de Covid-19 qui dure depuis un an. Ces vaccins de BioNTech, Pfizer et de Moderna, annoncés en fanfare début novembre, reposent sur une technologie jusqu'alors inédite en matière de stratégie vaccinale, l'acide ribonucléique messager, ou pour faire plus court, l'ARN messager. Cette méthode qui n'avait jamais passé la phase 1 des essais cliniques dans la lutte contre d'autres pathologies s'avère cette fois efficace dans le cas du SARS-CoV-2. Pourquoi, comment, jusqu'à quel point, on vous dit tout ce qu'on sait dans l'état actuel de nos connaissances. ARN messager, l'épopée d'un vaccin, c'est le programme EPIC pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Daniel Lelièvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, responsable de la recherche clinique au sein du Vaccine Research Institute. Avec nous également Bruno Pitard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS et chercheur INSERM au Centre de recherche en immunologie Nantes-Angers. Mais avant de raconter l'histoire de la mise au point de ces vaccins contre le Covid, il est l'heure, comme chaque jour, de faire notre piqûre de rappel de l'actualité des sciences avec vous, Natacha Triou, pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Astronomy and Astrophysics. Le premier signal radio d'une exoplanète vient peut-être d'être détecté. Et grâce au grand réseau de radiotélescopes des Pays-Bas, le LOFAR, une équipe internationale aurait détecté un signal radio en provenance de Tau Bautis B. Alors Tau Bautis B, c'est une exoplanète découverte en 1996. C'est une Jupiter chaude qui orbite autour de l'étoile Tau Bautis A à environ 50 années-lumière de nous. Selon les chercheurs, ce signal de 14 à 21 MHz viendrait de la planète plutôt que de l'étoile et il indiquerait la présence d'un champ magnétique. Alors je mets tout de suite fin au fantasme, détecter un signal radio d'une exoplanète, ce n'est pas un signe d'intelligence extraterrestre. Nous n'en trouverons pas un sur Tau Bautis B où la température locale est estimée à 1400 degrés. En revanche, si ces résultats sont bien confirmés, cela pourrait être une étape importante dans la recherche d'exoplanètes habitables. Le champ magnétique d'une planète, c'est l'un des facteurs d'habitabilité, car il protège l'atmosphère du vent solaire et des rayons cosmiques. Donc observer le champ magnétique d'une exoplanète, cela signifie mieux comprendre ses propriétés atmosphériques. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver toutes ces études, brèves et articles qui nous ont aidés à préparer l'émission sur le fil Twitter @laméthodefc. Et on passe aux brèves. Vendredi, la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, a autorisé le vaccin de Moderna contre le coronavirus. Oui, après le vaccin de Pfizer-BioNTech, celui de Moderna devient le deuxième vaccin contre le coronavirus à être autorisé pour une utilisation d'urgence aux États-Unis. Alors, comme ceux des concurrents, il s'agit d'un vaccin ARN messager. Il se conserve facilement dans un frigo standard. Et la dernière étude sur l'essai clinique de phase 3 sur plus de 30 000 personnes montre que ce vaccin produit des anticorps pendant au moins 3 mois. Aux États-Unis, où la pandémie a déjà causé plus de 313 000 morts, la campagne de vaccination a commencé la semaine dernière. Vaccin toujours, on apprenait il y a une heure à peine que l'Agence européenne du médicament donnait son feu vert pour la prescription du vaccin contre le SARS-CoV-2 de BioNTech et Pfizer. En bref toujours, selon un rapport du Haut Conseil pour le climat, le déploiement de la 5G en France aura des conséquences sur l'environnement. Et l'organisme vient de rendre son rapport et il est très critique. Le déploiement de la 5G risque d'une part d'augmenter la consommation d'électricité et d'autre part d'augmenter significativement l'empreinte carbone du numérique. Entre la fabrication d'antennes supplémentaires, la multiplication de data centers, la création de smartphones, l'impact carbone du déploiement de la 5G ne sera pas neutre. Cela pourrait ajouter 2,7 millions de tonnes à 6,7 millions de tonnes de CO2 en 2030. Le déploiement de la 5G risque donc de compromettre les objectifs de la France en matière de neutralité carbone. De nombreuses villes comme Lyon, Lille ou Grenoble réclament un moratoire. Et enfin, selon une étude parue dans la revue L'Anthropologie, pour survivre aux hivers polaires, les premiers hominidés ont peut-être bien hiberné. Deux chercheurs grecs et espagnols ont analysé les ossements de la Cima de los Huesos, le célèbre site archéologique en Espagne, et notamment des squelettes qui proviennent de l'espèce Homo heidelbergensis, qui vivait là il y a un demi-million d'années. Selon eux, ces ossements portent la trace d'une série de maladies liées à une faible exposition au soleil. Et la seule façon d'expliquer ces grosses carences en vitamine D, c'est que ces humains devaient rester enfermés pendant des mois au fond de leur grotte. Ce sont les mêmes maladies que l'on retrouve chez les animaux qui hibernent. De plus, à cette époque, nos ancêtres ont vécu l'une des périodes glaciaires les plus sévères du dernier million d'années. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. L'acide ribonucléique messager, voilà un nom un peu technique pour désigner une molécule qui joue un rôle un peu particulier de coursier dans notre organisme. Il n'aura échappé à personne que cet ARN messager vient de faire ses preuves dans la mise au point de deux vaccins contre le SARS-CoV-2, ceux développés par BioNTech, Pfizer et par Moderna. Pour comprendre le fonctionnement de cet ARN messager, l'histoire du développement de cette technique vaccinale, mais aussi répondre aux questions que soulève cette approche, nous recevons aujourd'hui dans la méthode scientifique Bruno Pitard et Jean-Daniel Lelièvre. Et pour commencer, je vous propose d'écouter une archive récente. C'était l'annonce, il y a un peu plus d'un mois, des premiers résultats de ces vaccins. Des résultats préliminaires très encourageants. L'essai clinique du laboratoire américain Moderna, qui mobilise 30 000 volontaires depuis des mois aux États-Unis, a permis de réduire de près de 95% le risque d'attraper le coronavirus. C'est plus que celui de l'alliance Pfizer-BioNTech, efficace à 90% selon les annonces du laboratoire la semaine dernière. Pour autant, il reste encore de nombreuses étapes à franchir avant la commercialisation d'un vaccin contre le coronavirus, et Moderna ne fait pas exception. Cette reconnaissance de l'efficacité du vaccin est une excellente nouvelle, mais nous devons encore achever le processus de réglementation. Terminer cette étude, générer plus de données et même des données de suivi sur la sécurité. Et puis bien sûr, nous devons nous occuper de la fabrication. Dans un premier temps, les approvisionnements ne pourront être que limités et rationnés. Nous espérons avoir environ 20 millions de doses de vaccins d'ici la fin de cette année 2020. Et nous sommes impatients de produire entre 500 millions et 1 milliard de doses l'année prochaine. Mais cela implique bien sûr des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur les 20 millions de doses de vaccins attendues en 2020, 15 millions sont destinées aux États-Unis. Des pays comme le Canada, la Suisse, le Japon, Israël et le Qatar ont eux aussi déjà signé des contrats avec la société de biotechnologie Moderna. Si ce vaccin, dont on ignore encore la durée de protection, était approuvé, il s'agirait d'une grande prouesse scientifique, moins d'un an après l'apparition de ce virus en Chine. Voilà pour cette annonce qui faisait grand bruit il y a un mois. Les choses semblent se confirmer. Une réaction peut-être, Bruno Pitard, à cette annonce toute récente? Ah oui, c'est sûr, c'est extraordinaire. Hein. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on travaille sur ces vaccins à acide nucléique, ADN, ARN messager. Et c'est vrai qu'il y a encore 10 mois, moins d'un an, les essais cliniques utilisant cette stratégie de vaccination ARN messager étaient cantonnés aux phases 1. Aucune phase 3 n'avait jamais été réalisée. Aucune phase 2 positive n'avait jamais été réalisée. Et là, pour la première phase 3, c'est un succès avec un vaccin approuvé. C'est une prouesse extraordinaire. Jean-Daniel Lelièvre, vous êtes d'accord? Vous partagez cet avis de Bruno Pitard? Je partage tout à fait l'avis de Bruno Pitard. Il faut savoir aussi que d'autres candidats vaccins reposant sur d'autres plateformes sont très avancés. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les vaccins ARN. Mais voilà, les autres plateformes ne sont pas non plus en retard. Est-ce que vous avez été surpris personnellement de cette annonce? Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit cette technologie-là qui l'emporte, on va dire, au sprint? Jean-Daniel Lelièvre. Oui, on s'y attendait, et je pense que Bruno Pitard va revenir dessus, mais l'avantage de l'ARN messager, c'est justement de pouvoir aller très très vite, et ce type de vaccin, ce type de technologie avait été positionné depuis de nombreuses années par différentes instances, notamment l'OMS, comme une des stratégies de choix dans la réponse à apporter face à des virus émergents ou réémergents comme l'est le SARS-CoV-2. Bruno Pitard, est-ce que c'était une surprise pour vous, cette annonce? Une surprise, oui et non. C'est vrai que les premiers à être partis ont été des vaccins à ADN, hein, Inovio, avec des ADN plasmidiques au mois de mars. avec effectivement aussi Moderna, avec de l'ARN messager et des systèmes lipidiques. Donc c'est vrai, comme disait Monsieur Lelièvre, c'est vrai que ces technologies-là nécessitent uniquement la séquence in silico. Hein, faut bien comprendre qu'on part de la séquence in silico sur un ordinateur. Mmh. On est parti de la protéine S avec un fichier informatique disponible sur une base de données. Et donc c'est à partir de cette information in silico sur un ordinateur que l'on est capable ensuite de fabriquer le vaccin. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite que de fabriquer une protéine recombinante qui prend toujours plus de temps. Mais l'adénovirus d'AstraZeneca avec une molécule d'ADN encapsidée à l'intérieur d'un virus servant de vecteur a également été assez rapide. Alors avant d'en arriver à ce développement du vaccin à ARN messager, on va peut-être faire un petit cours de biologie. Je vais vous appeler au tableau et puis de me demander de nous expliquer, à nous qui ne sommes pas tous des spécialistes de génétique, de biologie, ce qu'est un ARN messager et à quoi ça sert dans son état, on va dire, naturel, entre guillemets, avant de parler des ARN synthétiques qui ont été développés dans le cadre de ce développement de vaccin. Bruno Pitard, à quoi sert un ARN messager ? L'ARN messager, ça sert à fabriquer les protéines. Vous savez que dans nos cellules, il y a un noyau qui contient notre patrimoine génétique. Donc, quelque part, le noyau et le patrimoine génétique, c'est le plan, c'est le plan de la maison, c'est le plan de tout ce qui va devoir être installé, fabriqué quotidiennement pour faire fonctionner notre lieu d'habitation. Donc, ça, c'est le plan, c'est le grimoire, c'est vraiment le patrimoine génétique donc, qui est le sacro-saint de tout ce qui doit être réalisé quotidiennement. Et puis, en fait, cet ADN transfère son information de ce qui doit être réalisé à des ARN messagers. Donc, les ADN se transforment ensuite en ARN messager dans le noyau, puis les ARN messagers vont dans un lieu qui s'appelle le cytoplasme, puisque dans la cellule, où il y a une membrane biologique qui entoure la cellule et entoure autour de cette cellule à l'intérieur, il va y avoir le cytoplasme et ensuite le noyau. Et donc, les ARN messagers vont rejoindre le cytoplasme. Et là, il y a des petites usines, les ribosomes, qui vont transformer les ARN messagers en protéines. Donc, les protéines vont être synthétisées toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures. Et en fonction de la disposition des cellules dans l'organisme, certaines protéines vont être produites, certaines d'autres ne vont pas être produites. Si on prend un exemple, par exemple, l'EPO, que l'on connaît bien, érythropoïétine, c'est produit au niveau des cellules rénales, donc les cellules au niveau du rein, dans le noyau, il y a l'ADN qui code pour l'expression de l'EPO. Cet ADN va produire un ARN messager qui va aller dans le noyau, dans le cytoplasme, et dans le cytoplasme, la protéine érythropoïétine va être synthétisée, puis sécrétée à l'extérieur de la cellule rénale, rentrer dans la circulation générale. Et vous savez que l'EPO, c'est indispensable pour produire les globules rouges, pour pouvoir faire des efforts, pour pouvoir vivre. Donc l'ARN messager est un intermédiaire entre l'ADN qui est dans le noyau et puis la protéine qui est vraiment l'unité fonctionnelle pour faire fonctionner un organisme vivant tel que l'organisme humain. Jean-Daniel Lelièvre, est-ce que vous souhaitez apporter un complément à ce cours brillant qui vient nous être prodigué par Bruno Pitard ? Non, tout est dit. La chose sur laquelle il faut bien insister, c'est que l'ARN messager, on en a plein, comme l'a dit Bruno Pitard, dans nos cellules. Donc c'est quelque chose d'habituel et c'est avec ça que le corps humain fabrique des protéines. Donc l'ARN que l'on va utiliser comme vaccin va utiliser la machinerie cellulaire comme elle l'utilise habituellement pour faire des protéines. On peut peut-être rappeler une chose, c'est que cet ARN messager, il porte bien son nom, mais c'est un petit peu comme dans Mission Impossible, sauf que là, c'est pas le message qui s'autodétruit, c'est le messager. Alors, pourquoi l'ARN messager s'autodétruit-il et est-il aussi fragile, Jean-Daniel Lelièvre ? Parce que les ARN messagers n'ont pas vocation à perdurer au sein des cellules, contrairement à l'ADN qui est notre matériel génétique. Là, Bruno Pitard vous a bien indiqué ce qui se passe. Si les ARN messagers s'accumulaient au cours du temps, évidemment, les cellules tout simplement finiraient par exploser parce qu'il y en aurait trop dans une cellule. Donc, au bout d'un moment, quand cette transformation en protéines s'effectue, l'ARN messager finit par faire disparaître. Voilà pour ce court et ce brillant préambule concernant la biologie des ARN messagers. On va passer tout de suite à ce qui nous intéresse aujourd'hui, au développement de ces vaccins à base d'ARN messagers. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. On continue d'évoquer tout au long de cette heure l'histoire de la mise au point des vaccins à ARN messager contre le SARS-CoV-2 avec Jean-Daniel Lelièvre et Bruno Pitard. On va en venir maintenant au fonctionnement de ces vaccins. Alors pour bien comprendre comment fonctionnent ces vaccins, il faut peut-être expliquer ou réexpliquer le fonctionnement d'un vaccin dit classique. Bruno Pitard, sur quelle base on travaille quand on développe un vaccin classique entre guillemets? Les vaccins classiques, on pourrait schématiser les vaccins en trois générations. La première génération des vaccins, c'est la génération historique. Elle consiste à utiliser le virus, le vrai virus, le virus méchant, le virus naturel, et donc de le cultiver à grande échelle pour le rendre ensuite inoffensif. Et donc c'est bien sûr que lorsqu'il est inoffensif qu'on l'inocule à l'individu à vacciner pour monter une réaction immunitaire. Donc c'est la première génération des vaccins. La deuxième génération des vaccins, une génération un peu plus sophistiquée, on se dit on va prendre uniquement une protéine importante du virus, puisque c'est cette protéine, par exemple, qui permet d'induire des réactions immunitaires et des anticorps contre cette protéine. Et on se dit, plutôt que d'injecter le virus entier inactivé, pourquoi ne pas injecter uniquement une protéine virale, donc de ce virus en question, pour monter la réponse immunitaire contre cette protéine virale. C'est la deuxième génération de vaccins, type par exemple vaccin contre l'hépatite B ou contre le papillomavirus. Et puis la troisième génération, qui est la génération dont on parle aujourd'hui, qui est une génération un peu futuriste, qui consistait à se dire pourquoi ne pas faire produire la protéine du virus directement par les cellules de l'individu à vacciner. Et donc c'est cette troisième génération, on va mettre à contribution les cellules du patient à vacciner pour produire elles-mêmes l'antigène, pour produire des anticorps contre l'antigène viral. Jean-Daniel Lelièvre, qu'est-ce qui distingue maintenant un vaccin ARN messager comme ceux développés par BioNTech et Pfizer et Moderna d'un vaccin classique? Alors, comme l'a bien dit le docteur Pitard, il y a plusieurs types de vaccins. On va utiliser les protéines du virus contre lesquelles on veut déclencher une réponse immunitaire. Et ça, on peut les apporter avec un vaccin, ce qu'on appelle inactivé ou vivant atténué, ou avec la protéine elle-même que l'on produit à l'extérieur de l'organisme et qu'on va utiliser comme vaccin. La nouveauté ici, c'est d'utiliser la partie de l'ARN ou de l'ADN qui code pour cette protéine, et c'est ça qu'on va utiliser comme vaccin, qui va être soit sous la forme d'un vaccin qu'on appelle ARN messager ou un vaccin ADN, soit mis à l'intérieur d'un vecteur viral, et c'est par exemple le vaccin qui est développé par AstraZeneca. Ce qui permet dans ces cadres-là d'utiliser de moins de quantité de matériel au départ, puisque la protéine, au lieu d'être produite à l'extérieur de l'organisme et ensuite injectée comme vaccin, va être produite directement par l'organisme. Alors, on parle de cette fameuse protéine, c'est la protéine spike, la protéine spicule, celle qui se trouve à la surface du virus et qui lui donne son nom de coronavirus avec ses petits pics. Bruno Pitard, comment fonctionne l'ARN messager une fois qu'il est dans l'organisme? Il va suggérer à l'organisme de se défendre contre cette protéine-là? C'est vrai que l'ARN messager, déjà avant de l'injecter dans l'organisme, il va falloir faire un certain nombre de choses. Mmh. Il va falloir la produire et il va falloir la protéger. Parce que l'ARN messager est une molécule qui est très sensible. Oui, on le disait tout à l'heure, oui. Qui s'autodétruit très facilement. S'autodétruit et puis on vit dans un environnement où on est challengé par des bactéries, par des virus, par de l'ADN, par de l'ARN. Donc, si vous voulez, l'organisme a développé un certain nombre de fonctions qui lui permettent de se protéger et de se défendre contre ces agressions virales, bactériennes, ADN, ARN. Donc, on a, par exemple, sur la peau de notre main, des RNAs qui permettent de dégrader les ARN messagers, puisqu'en fait, on n'est pas forcément à souhaiter que des ARN messagers rentrent dans les cellules de notre organisme. Mmh. J'imagine que à la cantine de France Culture, qui imagine la délicieuse cantine de France Culture. Donc, quand vous prenez un plat de crudité, des carottes crues ou de la salade, eh bien, les carottes et la salade, c'est comme nous. Il y a des noyaux, il y a des cytoplasmes, il y a des cellules, et c'est pas pour autant que l'ARN messager des cellules de carottes ou de salade rentre dans vos cellules intestinales, épithéliales intestinales. Donc, tout ça fait qu'en général, l'ARN messager ne rentre pas tout seul comme ça dans une cellule. Donc, il va falloir l'aider à rentrer dans la cellule, et c'est là où on va utiliser des particules lipidiques, des petites particules, on pourrait dire... Des membranes graisseuses, entre gros guillemets. Des liposomes, pour permettre de franchir la membrane des cellules. Et quand l'ARN messager va se retrouver à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme, les chercheurs ont pris la précaution d'utiliser un format d'ARN messager qui va être reconnu par la machinerie naturelle des ribosomes. C'est-à-dire on va quelque part leurrer la cellule en lui faisant bien sûr produire une protéine qu'elle n'avait pas l'habitude de produire, puisque là on va lui faire produire une protéine virale, la protéine S, la protéine spicule du coronavirus, mais on a mis une coiffe, si vous voulez, l'ARN messager, en gros, il y a quatre parties. Il y a une tête, la coiffe. Oui. Après, il y a une petite séquence qu'on appelle 5'. Après, il y a le gène qui va coder la protéine S du coronavirus. Et puis après, il y a une partie 3' et une queue, une queue qui va être constituée de nucléosides. Qu'on appelle poly-A, c'est ça ? Poly-A, voilà. Donc, il y a quatre parties. Et si vous voulez, aujourd'hui, peut-être on fera l'histoire un petit peu de cette science du développement de vaccins plus tard. Mais il y a eu énormément de recherches et il y a eu énormément d'améliorations, ne serait-ce que sur le format de cet ARN messager. Quelle est la coiffe la plus efficace? Quelle est la partie 5' la plus efficace? Comment insérer le gène codant notre protéine d'intérêt? La queue polia dont vous parlez, combien de A il faut? Est-ce qu'il en faut 10? Est-ce qu'il en faut 50? Est-ce qu'il en faut 100? Est-ce qu'il en faut 200? Donc tout ça a été optimisé, ce qui fait que, si vous voulez, quand l'ARN messager rentre dans le cytoplasme, il va être pris en charge par les ribosomes et il va y avoir une traduction qui va être efficace. Cet ARN messager va être produit en protéines de façon très efficace parce qu'en fait, de façon biochimique, on a optimisé cet ARN messager pour qu'il soit traduit à une très grande vitesse et à une très grande efficacité dans les ribosomes du cytoplasme des cellules. Jean-Daniel Lelièvre, sur cette question épineuse et très technique, on le comprend, de la synthétisation de ces ARN messagers, qu'est-ce que vous pouvez ajouter ? Alors, je pense que c'est plutôt Bruno Pitard qui va vous détailler ça. Moi, je pense qu'un point aussi important à discuter ici sur cette technologie un petit peu particulière et qui va la différencier, parce qu'on pourrait se dire pourquoi on n'utilise pas des protéines directement. D'abord parce que, comme vous l'a dit Bruno Pitard, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis aussi, quand on va utiliser ces vaccins et la production à l'intérieur des cellules des protéines, on va induire deux types de réponses immunitaires qui sont un petit peu différentes. D'un côté, une réponse dont on parle beaucoup, qui est la réponse anticorps, les anticorps neutralisants, etc. Et puis de l'autre côté, on va induire aussi une réponse dont on parle un petit peu moins souvent, qui s'appelle la réponse lymphocytaire T, la réponse cellulaire, et qui est important pour se défendre contre les virus. Et à l'heure actuelle, parmi les gens qui ont été infectés naturellement par le SARS-CoV-2, eh ben on ne sait pas quelle est la plus importante des deux. Et sans doute que les deux sont importantes. Et donc utiliser ce type de technologie est vraiment intéressant parce qu'on peut induire ces deux types de réponses. Et probablement les deux participent à la protection contre le virus. Une autre question qui peut sembler simple, mais pourquoi est-ce qu'on vise en priorité cette protéine S, cette protéine spike, Bruno Pitard ? On vise cette protéine spike, parce qu'en fait elle est importante pour le virus. C'est grâce à cette protéine, ou malheureusement, on pourrait dire, c'est malheureusement dû à cette protéine que le virus va s'accrocher à nos cellules en reconnaissant un récepteur, la CE2, donc à la surface de nos cellules. C'est le point d'ancrage du virus à nos cellules. Donc on peut imaginer, effectivement, c'était raisonnable de penser, que si on fait des anticorps contre cette protéine S, quelque part les anticorps vont engluer cette protéine S, Et donc, cette protéine S décorée d'anticorps ne va plus pouvoir interagir contre la protéine ACE2, le récepteur présent à la surface de nos cellules. Donc déjà, ça, c'est une première idée. Et puis, deuxième idée, on sait aussi que dans les coronavirus, les infections coronavirus, on retrouve chez les patients qui ont eu une infection naturelle des anticorps dirigés contre cette protéine. Donc, quelque part, les deux idées étaient réunies pour se dire qu'il était raisonnable de faire des anticorps contre cette protéine S. Mais Jean-Daniel Lelièvre a bien fait de le souligner. Ce qui est très important avec ces stratégies vaccinales, c'est vrai, on arrive à avoir les deux bras armés du système immunitaire, à la fois des anticorps et à la fois des lymphocytes T cytotoxiques. Et ça, effectivement, M. Lelièvre a tout à fait raison de le souligner, c'est une particularité de ces vaccins. Jean-Daniel Lelièvre, on parlait de ces deux vaccins, donc de BioNTech et de Pfizer, et de l'autre côté de celui de Moderna. Ces deux vaccins ne diffèrent pas de beaucoup de choses, mais ils sont bien différents. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consistent ces différences ? Alors, juste avant, pour rebondir sur la question que vous venez de poser, parce qu'elle est importante, pourquoi l'utilisation du spike, et ça va répondre en partie à des questions que vous voulez nous poser plus tard, c'est pourquoi on a pu aller si vite. Oui. Il faut garder à l'esprit que le SARS-CoV-2, en fait, est pas très différent de deux autres virus qu'on appelle le SARS-CoV et le MERS-CoV, avec des épidémies qui sont survenues il y a entre 10 et 15 ans. Voilà, au début des années 2000, et on avait déjà beaucoup étudié ces virus, et on avait mis au point des vaccins, et notamment des vaccins chez l'animal, et ensuite des vaccins chez l'homme, et on savait qu'il fallait cibler cette protéine, et c'est en ciblant cette protéine qu'on allait avoir une réponse immunitaire efficace. Donc, on avait déjà beaucoup de connaissances, et c'est pour ça qu'on a ciblé le spike. Alors, ensuite, pour faire la différence entre les deux vaccins de Moderna et de Pfizer BioNTech, je pense que Bruno Pitard pourra aussi commenter là-dessus. Ils sont assez proches, globalement, ces deux approches ARN. Le type de protéine que l'on met à l'intérieur, qui est un spike, mais un spike un petit peu modifié, ce qu'on appelle une forme de préfusion de cette protéine spike, qui permet de vraiment la rendre très immunogène. Et sont les deux approches qui ont été utilisées, ces deux formes un peu particulières sont utilisées avec les deux vaccins. Ce qui va changer peut-être un petit peu, c'est sur la forme même de l'ARN messager et quelques petites modifications qui fait que la réponse de la cellule va être un petit peu différente, mais là on va passer sur des aspects très techniques, peut-être que Bruno Pitard voudra plus commenter sur ceci. Bruno Pitard, du coup, une réaction à ce que vient de dire Jean-Daniel Lelièvre et sur cette question des différences entre les deux vaccins proposés actuellement par les deux grandes firmes. Bah, ils sont très proches en termes de conception. Il y a des petites différences. Celui de Moderna utilise 100 microgrammes d'ARN messager. Celui de BioNTech et de Pfizer utilise 30 microgrammes. Donc, dans un cas, il y a trois fois moins d'ARN messager. Ils utilisent tous les deux un système lipidique donc constitué de 4 lipides. La petite boule graisseuse dont on parlait tout à l'heure, elle est constituée de 4 lipides. On va prendre un lipide chargé positivement, puisqu'en fait, ça n'aura pas échappé à vos auditeurs que l'ARN messager s'est chargé négativement, dont les chercheurs dont je fais partie dans les années 90 et qui ont participé à cette histoire, à cette aventure, on a synthétisé des lipides de charge opposée. On s'est dit si l'ARN messager ou si les acides nucléiques sont chargés négativement, pourquoi ne pas faire des lipides de charge opposée, chargés positivement, pour favoriser une interaction statique. Donc on va avoir un lipide comme ça, chargé positivement. Après, on va avoir un lipide constituant les membranes, donc le cholestérol, vous voyez, donc c'est un composé naturel. Ensuite, on va avoir un troisième lipide qui est un lipide neutre, un dérivé des phosphatidylcholines, donc qui sont aussi des lipides constituant les membranes de nos cellules. Et puis, on va avoir un quatrième lipide qui est un peu plus exotique, qui est un lipide qui porte des chaînes de polyéthylène glycol pour assurer, si vous voulez, au niveau de la particule, une certaine répulsion stérique pour éviter que les particules se collent les unes aux autres. Donc, il y a des petites différences entre Moderna et BioNTech. Le lipide cationique dont on parlait, qui cherche à s'accrocher à l'ARN messager, est différent chez BioNTech et chez Moderna. Donc ça, c'est une première différence. Et après, il peut y avoir des différences puisqu'au niveau de l'ARN messager, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a quatre parties, il y a une coiffe, il y a un 5', il y a le gel, il y a un 3', il y a une queue polia. Bien chaque entreprise va avoir un petit peu son savoir-faire. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en 5', qu'est-ce qu'ils vont mettre en 3', combien il y aura de polia chez Moderna, combien de polia chez BioNTech. Bien sûr, dans les différents documents proposés par la FDA ou les articles scientifiques, ces détails ne sont pas connus. Jean-Daniel Lelièvre, pour qu'on comprenne bien vraiment cette question très importante de la production des ARN messagers synthétiques pour ce vaccin, comment ça marche? On connaît, en fait, le point de départ, c'est qu'on connaît la composition en acide aminé de la protéine S, contre laquelle, du coup, on dirige le vaccin. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Oui, enfin, comme l'a expliqué Bruno Pittard, plus que la composition en acide aminé, on connaît le code génétique, on connaît la partie du code génétique qui va coder pour la protéine spike. Et comme l'a expliqué Bruno Pittard, en fait, on utilise le code génétique sous forme informatique et on va faire, on va utiliser cette partie-là et on va utiliser ce qu'on appelle un ADN complémentaire. Donc, on va prendre l'ADN qui correspond à cette partie ARN. Et au laboratoire, à partir de cet ADN, on va produire de l'ARN messager. Et donc, c'est comme ça que cela se passe. Et restez avec nous. On va continuer d'aborder toutes ces questions en deuxième partie. On va se pencher notamment sur l'histoire de ces vaccins ARN messager, mais aussi sur les questions récurrentes, parfois épineuses, concernant ces vaccins contre le SARS-CoV-2. Let's go dance with your body. He's a really gift. He's roaming close to you like a fairy tale. Gotta dream deeply, gotta stay real. Like Billie Jean when she gets up on a tone. Billie Jean is by my side. I'm a really shy fox. You gotta tickle my lamp, honey. Understand by the way home. Keep a high dose. I want to feel it done before. I gotta blast softly, soft. Your heart's a beating shy, I glance, I love it. Forget the weird body dancing, see the blast. But the city is dark, baby, this to feel this time. When fear is gone, when the treat is coming. On a dirty sauce blast, I feel the heat by your side. Nice dopamine, good taste, nice sweet belly. My body on stage cannot hide. I could get raw like a Beastie Boy blast. If you wanna try. À 16h33 dans la méthode scientifique sur France Culture, vous écoutiez New Sheet One de Yes Basketball. Nous parlons tout au long de cette heure des vaccins à ARN messager contre le SARS-CoV-2 avec Jean-Daniel Lelièvre, médecin responsable de la recherche clinique au sein du Vaccine Research Institute, et Bruno Pittard, directeur de recherche CNRS et chercheur INSERM au Centre de recherche en immunologie Nantes-Angers. Bruno Pittard, vous évoquiez tout à l'heure vos travaux de recherche passés sur ces vaccins ARN messager. Ce sont des vaccins qui ont une histoire qui n'est pas récente. Ça fait depuis plus de 30 ans que des chercheurs s'intéressent à ce thème-là. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu les prémices de ces recherches sur les vaccins ARN messager? Je crois que ça a commencé d'abord dans des études en cancérologie. Alors, pourquoi ce domaine de spécialité-là, la cancérologie, pour ces vaccins ARN messager? Bah, en fait, les vaccins acides nucléiques, ADN, ARN messager, ça a commencé dans les années 90. Pourquoi on s'intéressait aux vaccins acides nucléiques, ARN messager, ADN? Bien, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire la troisième génération de vaccination, on se disait pourquoi ne pas faire produire l'antigène directement par l'individu à vacciner. Ça permettait d'avoir un certain nombre d'avantages, puisqu'en fait, c'est l'individu lui-même qui va produire l'antigène. Donc, on peut supposer qu'effectivement, des cellules humaines sont capables de produire des protéines sophistiquées, comme des protéines virales. Donc on pouvait s'assurer d'une bonne conformation, d'une bonne production, d'une bonne présentation au système immunitaire de l'antigène viral ou bactérien, puisqu'en fait, effectivement, c'était l'individu lui-même qui le produisait. Donc ça avait un certain nombre d'avantages par rapport à des protéines recombinantes, comme disait Jean-Daniel Lelièvre tout à l'heure, qui sont produits d'abord à l'usine, qui sont produits en dehors du corps. Il faut s'assurer que la conformation soit correcte pour induire une réaction efficace. Ici, on n'avait pas ce problème-là, puisqu'en fait, l'antigène, la conformation va tout de suite être bonne, puisqu'elle va être produite directement par les cellules de l'individu à vacciner. Donc c'était surtout ces avantages-là qui étaient recherchés, et puis aussi une technologie très versatile, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, on produit un vaccin ARN messager pour produire un vaccin contre le coronavirus, mais demain, cette technologie peut servir à produire un vaccin contre un autre pathogène, et la méthode de production sera la même. Les particules lipidiques seront les mêmes. L'ARN messager aura le même format. Donc c'est une technologie très versatile, donc ça présentait un certain nombre d'avantages. Mais pendant très longtemps, on a été confronté à l'efficacité, soit avec l'ADN, soit avec l'ARN messager. Il y avait des efficacités qui étaient pas forcément toujours au rendez-vous. Les premiers essais ont été faits dans le domaine des maladies infectieuses. Mmh. Ça n'a pas commencé par le cancer. On a commencé par les maladies infectieuses, plutôt contre des virus, HIV. Mais c'était trop complexe. Parce que si vous voulez, pour développer un bon vaccin, il faut trouver un bon antigène. Et quelque part, cette technologie, au départ, elle a été surtout explorée dans des conditions qui étaient difficiles, parce qu'on a l'habitude de dire qu'il y a à peu près 50 vaccins qui existent dans le monde, et c'est les 50 vaccins les plus faciles qui ont été faits. Et les vaccins qui restent à faire sont des vaccins difficiles. Mmh. Et donc, on a essayé d'utiliser cette technologie-là pour faire des vaccins qu'on n'arrivait pas à faire avec les technologies traditionnelles, HIV, par exemple. Mais malgré tout, on ne peut pas faire non plus l'impossible avec les vaccins ADN ou ARN. Il faut aussi avoir un bon antigène. Et je pense qu'ici, le succès de ce vaccin contre le coronavirus provient aussi du fait que la protéine S du coronavirus est un bon antigène. C'est un antigène qui est stable, c'est un antigène qui est très immunogène dans des expériences qu'on a eu l'occasion de réaliser chez des animaux. Et on voit effectivement que cette protéine S du SARS-CoV-2 est capable d'induire relativement facilement des titres en anticorps. Une réponse immunitaire satisfaisante, oui. Et très neutralisant. Donc, quelque part, le fait d'avoir un bon antigène, c'est aussi une condition du succès. Jean-Daniel Lelièvre, dans ce contexte passionné, ce contexte très compliqué de pandémie mondiale, c'est quand même important de rappeler que ce vaccin ne tombe pas du ciel, qu'il n'a pas été inventé par des scientifiques fous il y a 6 mois, qu'il y a une longue tradition, un long travail de recherche qui date de plus de 30 ans. Tout à fait. Et comme l'a dit Bruno Pitard, il faut... Beaucoup de gens posent deux questions. Premièrement, pourquoi le vaccin ARN? Et deuxièmement, pourquoi vous n'avez pas de vaccin contre le VIH, contre le paludisme, etc. Et Bruno Pitard vient très bien de l'expliquer. Le problème d'un vaccin contre le VIH, c'est pas la plateforme vaccinale qu'on utilise, un vaccin ARN ou un vaccin classique. C'est comment on va définir l'antigène, contre quoi on veut se défendre. Et c'est pour ça qu'on achoppe pour l'instant à la mise en place d'un vaccin VIH que je connais très bien parce que c'est un de mes domaines d'expertise. Si on prend d'autres pathogènes émergents, par exemple, typiquement Zika, on a beaucoup entendu parler de Zika. Il y avait des vaccins ARN qui étaient très efficaces contre Zika. Et dans les modèles animaux, on voyait que ces vaccins étaient vraiment tout à fait intéressants. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'épidémie d'infection par le virus Zika, fort heureusement, s'est arrêtée. Mmh. Donc, on n'a pas poursuivi le développement chez l'homme. Mais là, on était exactement, je dirais, dans l'alignement des planètes, puisqu'on avait un virus, comme l'a rappelé Bruno Pitard, qui, a priori, va être facilement contrôlé par la réponse immunitaire. On voit bien la différence avec l'infection par le VIH. Il y a des gens qui guérissent du SARS-CoV-2. On guérit pas de l'infection par le VIH. On avait le vaccin ARN qui a fait d'énormes progrès dans ces 10 dernières années, et des firmes comme Moderna, comme BioNTech travaillent depuis très longtemps sur la mise au point d'un outil le plus intéressant possible, et un nouveau virus qui arrive, et ben voilà, on a utilisé le vaccin qui semblait le plus pertinent, et parmi les plus pertinents, le vaccin ARN faisait partie de ceci. Bruno Pitard, on évoquait la longue tradition de recherche autour de ces vaccins ARN messagers. Il faut dire quand même que ces vaccins, c'est la première fois qu'ils passent la phase 1 des essais cliniques, c'est ça ? C'est la première fois qu'ils passent la phase 3 des essais cliniques. La phase 3, oui. Oui, des phases 1, il y en avait... Il y en a eu plusieurs. Ce que vient de dire M. Lelièvre, c'est exactement vrai. Hein. C'est sûr que Zika, c'était une condition qui était également favorable. Il y a un antigène qui s'appelle pré-ME. On a eu l'occasion d'en faire un, de le publier. Ça fonctionne très, très bien. Après, effectivement, il faut voir souvent dans les histoires du développement des vaccins, souvent les vaccins s'arrêtent lorsque l'épidémie s'arrête. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, contre le SARS-CoV-1, en 2003, il y avait eu des vaccins à ADN qui avaient été développés en phase 1 et qui montraient des bons titres en anticorps. Et fort heureusement, le virus avait disparu. Il n'y avait pas eu besoin de poursuivre l'effort vaccinal. Mais par exemple, excusez-moi, je vous interromps juste une seconde. Ce vaccin ARN messager a par exemple été testé en phase 1 pour d'autres virus comme la grippe, la rage, le cytomégalovirus. Alors là, dans ces cas-là, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas passé le cap de cette phase 1 ? Ben, je pense que ces vaccins vont pouvoir suivre leur développement tranquillement. Mm-hmm. Ils vont pouvoir passer en phase 2, puis en phase 3. Mais ici, ce qui s'est passé, c'est que tout a été accéléré, en fait. Là, on est en Super 8 accéléré. On pensait en mars dernier que le virus ne passerait pas l'été, et il a passé l'été. On pensait qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, et il y a une deuxième vague. Donc, en fait, on a été obligé d'accélérer le process et de passer de phase 1 en phase 2, puis de phase 2 en phase 3, bien sûr, sous le contrôle des autorités réglementaires de santé. Tout ça, ça n'a pas été décidé par les laboratoires eux-mêmes. Tout ça est extrêmement encadré. Il y a eu énormément d'argent investi. Et donc, quelque part, ça a été l'histoire accélérée des vaccins ARN. Ça aurait pris beaucoup plus d'années, effectivement. Je pense que les firmes que vous avez citées étaient en place pour développer un vaccin contre Zika, contre le CMV, contre la rage, contre différents pathogènes. Mais tout ça aurait pris le temps que ça aurait dû prendre sans urgence. Vous me tendez une perche excellente pour passer à la suite de notre discussion. En fait, c'est ce caractère de l'urgence qui revient souvent dans les inquiétudes liées au développement rapide de ce vaccin ARN messager. Jean-Daniel Lelièvre, on va répondre maintenant à ces questions un petit peu qu'on va essayer de débunker en bon français, pour parler en bon français, mais qu'on va essayer d'un petit peu auxquelles on va apporter des réponses claires. Est-ce que ce vaccin ARN messager contre le SARS-CoV-2 a été testé trop rapidement ? Non, absolument pas. Alors, on a beaucoup parlé, on a beaucoup dit qu'il fallait 10 ans pour développer un nouveau vaccin, mais ce sont des notions anciennes. On sait très bien depuis plusieurs années, et notamment avec l'épidémie d'Ebola, qu'on peut aller beaucoup plus vite que ça. Pourquoi on a pu aller très très vite dans la mise au point de ce vaccin ? La première raison, on l'évoquait tout à l'heure, c'est parce que déjà le SARS-CoV-2 est pas très différent du SARS-CoV. Et donc on avait déjà beaucoup de données, on savait que c'était la protéine Spike qui était intéressante. On a pu très rapidement mettre au point des modèles animaux. Mmh. Et les vaccins ARN, c'est des choses qu'au laboratoire, on peut développer très très vite. Donc cette première phase, on est allé très très vite. Ensuite, sur les phases cliniques, les phases 1 et les phases 2 sont déroulées comme habituellement. Les phases 3 ont pu aller plus vite. Mais pourquoi les phases 3 ont pu aller plus vite que d'habitude ? Parce que ce que vous recherchez dans une phase 3, c'est l'efficacité d'un vaccin. Est-ce que ça protège contre la maladie ? Quand la maladie est peu présente, peu évolutive au niveau mondial, et c'était le cas de Zika, par exemple, dont on vient de parler, où la maladie est en train de s'éteindre, eh ben vous pouvez pas mener ces phases 3, parce qu'il y a plus de gens qui sont malades. Là, l'épidémie de SARS-CoV-2 est encore très importante. Donc vous pouvez aller très très vite dans l'évaluation de ce vaccin, l'efficacité de ce vaccin. En l'espace de 2, 3, 4 mois, vous pouvez avoir déjà une réponse. Et puis enfin, il y a deux autres paramètres très importants, c'est que dès le départ, les firmes pharmaceutiques avaient suffisamment d'éléments pour se dire que elles pouvaient aller très vite dans le développement industriel de ces vaccins. Donc on commençait à mettre en place les chaînes de production. et sur l'évaluation finale du vaccin, contrairement à ce qui se passe d'habitude, où on attend la fin des phases 3 et on donne tout le dossier aux experts, là, on a donné au cours du temps, dès qu'on avait les premiers résultats sur les modèles animaux, les phases 1, les phases 2, les phases 3, tous les dossiers aux experts, et puis on leur a demandé de se consacrer à ça, parce qu'il y avait une urgence. Donc là, le seul point où on se trouve en différence avec le développement d'autres vaccins, c'est que effectivement, on n'a pas un recul de plusieurs mois sur, par exemple, l'efficacité ou la tolérance des vaccins. Toutefois, on a déjà vacciné suffisamment de gens pour montrer que les vaccins étaient efficaces et observer la survenue d'éventuels effets indésirables avec un recul suffisant et sur un grand nombre de gens pour se dire que ces événements indésirables, s'ils survenaient, seraient rares. Oui, on rappelle qu'à eux deux, ces deux vaccins, les tests de ces vaccins ont mobilisé plus de 70 000 personnes, des cohortes de plus de 70 000 personnes. Bruno Pitard, il y a un autre argument qui revient un petit peu dans la bouche des sceptiques, c'est « j'ai pas envie de servir de cobaye, je préfère laisser les autres se faire vacciner, puis je verrai après ». Est-ce que c'est une bonne approche ou pas, selon vous ? Est-ce que c'est une bonne approche ou pas ? Je comprends. Après, effectivement, il y a certaines personnes qui sont réticentes, puisqu'effectivement, c'est nouveau, donc tout ce qui est nouveau peut faire peur. Maintenant, comme vous venez de le rappeler, il y a énormément de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont reçu ces ARN messagers. Comme vous l'avez souligné aussi précédemment, on n'est pas au premier essai de développement de vaccins utilisant cette stratégie-là. Vous l'avez rappelé, Zika, CMV, Chikungunya. Donc, il y a quand même une maîtrise qui a été réalisée à la fois chez les animaux, à la fois dans des essais de phase 1, les essais de phase 3 contre le coronavirus. Après, l'ARN messager, comme on l'a dit, c'est un composé naturel, composant de nos cellules. Il y a une expression transitoire, la molécule est relativement instable. Donc, une fois qu'elle a produit la protéine, elle disparaît. Donc il n'y a pas forcément de raison d'avoir peur de cette nouvelle stratégie vaccinale. Oui, c'est plutôt l'organisme qui fait courir un risque à la molécule d'ARN qu'on injecte que l'inverse. Presque, parce qu'effectivement, le vaccin de BioNTech, il doit être conservé à moins 70 degrés. Mm-hmm. Sachant que, si je ne m'abuse, le corps humain est à 37 degrés. Ça fait pratiquement une amplitude de 100 degrés. Donc la molécule d'ARN messager, elle passe, elle subit 100 degrés de variation. Jean-Daniel Lelièvre, il y a quand même toujours cette question aussi quand on parle de vaccins, des effets secondaires connus. Alors, quels sont les effets secondaires connus de ces vaccins ARN messagers et qu'ont révélé les études finalement autour de ces deux vaccins ? Alors, les études sur ces deux vaccins ont révélé surtout des effets, ce qu'on appelle de réactogénicité, qui sont les effets, je dirais, presque attendus après un vaccin. C'est-à-dire, vous allez avoir de la fièvre, vous pouvez avoir un petit peu de douleur musculaire, un petit peu de douleur articulaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour qu'une réponse immunitaire, celle dont on parle beaucoup, qui est la réponse qu'on appelle adaptative, c'est-à-dire les anticorps et les lymphocytes soient mises en place, il faut qu'on ait un petit peu de réponse immunitaire innée. Et en fait, ce que l'on voit avec cette réactogénicité, c'est la mise en place d'une réponse immunitaire innée. Donc ça veut dire qu'ensuite, la réponse qui va vous protéger va se mettre en place. Alors ensuite, ça, c'est les effets attendus. Puis il y a les effets inattendus. Vous savez que quand on regarde un vaccin comme le vaccin contre Pandremix, contre H1N1, ça donnait des narcolepsies. Mmh. Ça, c'était pas attendu. Là, sur l'ensemble des données qu'on dispose, il ne semble pas y avoir ce type de phénomène inhabituel, de déclenchement de maladies particulières avec ces vaccins-là. Alors, on a vacciné, comme vous l'avez dit, plusieurs dizaines de milliers de personnes. On n'a pas vacciné plusieurs millions de personnes. Donc, il n'est pas impossible que chez certaines personnes particulières, il y ait des effets indésirables. Personne ne peut le dire à l'heure actuelle. Pour autant, il faut bien garder en tête que en médecine, tout est aussi une question de balance bénéfice-risque. La classique balance. À l'heure actuelle où la maladie est importante, si je suis à risque, moi, de faire une forme sévère d'infection par le coronavirus, il vaut mieux que je me vaccine avec un vaccin qui a montré son efficacité à 90-95%, que de se dire non d'éviter de finir à l'hôpital, voire en réanimation, plutôt que me dire, il y a peut-être hypothétiquement un événement indésirable qui pourrait survenir, alors qu'à l'heure actuelle, on n'en a pas vu. Bruno Pitard, je continue dans ces questions un petit peu qui peuvent se poser quand on parle de vaccins, et on sait que c'est un sujet éminemment délicat, avec beaucoup d'opinions qui s'affrontent. Quand on parle de vaccins, généralement, les personnes qui sont opposées au fait de se faire vacciner mettent en avant l'argument des adjuvants. Alors là, la question, elle se pose pas du tout. Bah oui, parce qu'en fait, c'est comme vient de dire Jean-Daniel Lelièvre, en fait, l'adjuvant, si vous voulez, la molécule d'ARN messager va avoir deux effets. Un premier effet qui est l'expression de l'antigène viral, donc la protéine SARS du virus SARS-CoV-2, la protéine S du virus SARS-CoV-2, pardon. Mais cet ARN messager, en fait, on prend un système lipidique, donc les petits liposomes, les petites boules graisseuses dont on a parlé tout à l'heure, et on va s'arranger, en gros, pour que ces boules lipidiques passent par des compartiments qui sont les endosomes, où il va y avoir des espèces de petites sentinelles qu'on appelle TLR7 et TLR8, et ces sentinelles vont détecter la présence de ces ARN messagers. Et ça va créer un signal d'alerte, qui va mettre le système immunitaire en action en se disant ben, « j'ai quelque chose qui s'est passé dans une cellule, j'ai un ARN messager qui vient de rentrer, il a été détecté à la porte d'entrée des endosomes et la cellule envoie un signal pour recruter sur le site d'injection eh ben, toute une armada, toute une patrouille avec des cellules présentatrices d'antigènes qui vont venir et qui vont prendre en charge en fait, la protéine qui quelque part est étrangère, la protéine S du coronavirus. » Donc dans l'ARN messager est contenu deux fonctions, alerter le système immunitaire, créer de l'inflammation pour avoir une réponse adaptative et également produire la protéine du SARS-CoV-2. Donc en fait, l'antigène, l'adjuvant est aussi l'ARN messager. Jean-Daniel Lelièvre, une autre inquiétude qui a été soulevée récemment, c'était le fait que ce vaccin ARN messager modifie notre génome. Là aussi, c'est erroné de penser ça. Oui, c'est erroné, puisque comme on l'a décrit en début d'émission, comme Bruno Pitard l'a dit, on a de l'ADN, avec l'ADN, on fait de l'ARN et ensuite on fait des protéines. On ne revient pas de l'ARN en ADN. On peut le faire de manière très exceptionnelle, par exemple avec ce qu'on appelle les rétrovirus, avec le virus du VIH. Mmh. Mais il faut savoir que pour faire ça, il faut avoir une enzyme très particulière qui s'appelle une transcriptase inverse, qui n'existe que dans ces virus-là, donc qui n'est déjà pas présent avec le virus ARN, donc ça c'est la première chose. Et puis en plus, il faut que la structure de votre ARN soit particulière. C'est-à-dire que quand le virus, un rétrovirus comme le virus VIH arrive dans une cellule, comme on l'a rappelé en début d'émission, il y a plein d'ARN dans une cellule. Et il ne va pas transformer tous les ARN de la cellule et les transformer en ADN. Donc, avec tous ces aimants-là, vous comprenez très bien qu'en mettant un simple ARN messager, il ne va pas se mettre dans notre ADN, donc il ne va pas transformer en quoi que ce soit, ça n'est pas possible, notre patrimoine génétique. À aucun moment, il ne rentre dans le noyau de la cellule. Ça, c'est pour les questions auxquelles on peut apporter des réponses. J'imagine qu'il y a quand même quelques questions qui sont encore un petit peu en suspens. Bruno Pitard, notamment, je crois qu'il y a la question des risques inflammatoires liés au recours à ces vaccins. Est-ce que ces risques-là sont connus ou sont en cours on est en cours d'apprentissage finalement? Là, je pourrais laisser Monsieur Daniel Lelièvre. Jean-Daniel Lelièvre, oui. Oui, parce que c'est peut-être plus sa partie en tant que médecin. Ce qui va se passer, c'est que la stimulation du TLR7, du TLR8 dont on parlait avant, hein, les petites sentinelles qui détectent la présence d'ARN messager qui est rentré, hein, qui ont joué le rôle d'intrus, en l'occurrence dans la cellule, ça va activer des voies de sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. Ça va produire de l'interféron, ça va produire des cytokines, de l'IL-6, ça va activer des voies NF-kappa-B. Donc il va se créer une inflammation. Bien sûr, cette inflammation, ce qui est important de souligner, c'est que c'est une inflammation qui est locale. Ça va être vraiment localisé au niveau du site d'injection. C'est une inflammation qui va être transitoire, qui va disparaître avec la disparition des molécules d'ARN messager. Donc ça ne va pas rester ad vitam aeternam, ça va être localisé au niveau du site d'injection. Et comme disait Jean-Daniel Lelièvre, pour la création d'une bonne réponse adaptative, il faut un peu d'inflammation. C'est comme quand vous coupez, Hein, quand il y a une porte d'entrée, vous vous êtes coupé en faisant de la cuisine, bah, vous allez voir, il y a, mis à part le sang, autour de la coupure, ça devient rouge, c'est un peu chaud, bah, voilà, parce que il y a des cellules du système immunitaire qui sont venues, qui ont détecté la présence d'un événement indésirable, et donc c'est rouge, c'est chaud, et le système immunitaire se met en place. Donc c'est un peu la même chose. Là, on va créer ça au niveau du muscle injecté, pour à la fois produire la protéine, créer un petit peu d'inflammation, pour avoir les conditions d'une bonne réponse adaptative, pour induire des anticorps contre la protéine S et des lymphocytes T cytotoxiques contre les protéines S. Bon, alors on a une idée de la réponse sur le risque inflammatoire. Une autre question qui se pose, et ça c'est plus en lien avec une actualité toute récente, les coronavirus comme le SARS-CoV-2, le Covid-19, qui provoquent le Covid-19, sont des virus ARN qui mutent beaucoup, et on a découvert récemment au Royaume-Uni des mutations qui ont des conséquences importantes sur la contagiosité du coronavirus. Alors Jean-Daniel Lelièvre, ces mutations finalement, est-ce qu'elles pourraient rendre obsolètes rapidement les vaccins qui viennent d'être développés et qui vont être prochainement mis sur le marché ? Oui, alors il faut comprendre qu'il y a effectivement plusieurs mutations. Vous dites un impact important sur la contagiosité. On ne le sait pas pour l'instant. C'est évoqué. Cette souche semble prendre un peu le pas en Angleterre. Il faut avoir d'autres éléments scientifiques pour être sûr qu'il y a un impact sur la contagiosité. Si on se représente, je pense l'image la plus claire, c'est l'image d'une porte avec différentes serrures, et vous avez fermé ces serrures avec différentes clés qui sont des anticorps. Quand vous allez avoir une mutation, ça veut dire qu'il y a une des serrures qui ne va plus fonctionner. Mais vous avez toutes les autres qui vont encore fonctionner. Donc, pour rendre complètement inefficace la réponse immunitaire, il faudrait en fait avoir un impact sur l'ensemble de la protéine spike ou sur un grand nombre de points particuliers de la protéine spike, ce qui ne semble pas le cas à l'heure actuelle. Donc, il y a peut-être un effet de ces mutations que l'on décrit sur la transmissibilité, sur l'impact que le virus a pour rentrer dans la cellule. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'argument pour dire que ça va modifier de manière très importante la réponse immunitaire et l'efficacité des vaccins. Il ne faut pas oublier que la souche qui a été utilisée pour définir la protéine S dans les vaccins de Pfizer et Moderna sont les souches initiales, sont les souches décrites à Wuhan. Et depuis, il y a plein d'autres virus qui sont complètement changés, qui ont des mutations par rapport à celui-ci. Pour autant, dans les essais cliniques, on a vu l'efficacité de ce vaccin. Donc, ne soyons pas inquiets ou trop mesurés. Et on suivra bien évidemment toutes ces suites, ces études concernant ces mutations au Royaume-Uni. Merci beaucoup à vous deux, Bruno Pitard, Jean-Daniel Lelièvre, de nous avoir éclairé tout au long de cette heure sur ces vaccins à ARN messager. Merci également à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Alexandra Delbo, François Malordi, Tom Humdestock, à la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui Jean-Frédérix. Au programme cette semaine, nous reviendrons demain sur la mission Hayabusa 2 qui vient de revenir avec des poussières de l'astéroïde Ryugu dont on attend beaucoup, notamment pour comprendre l'histoire du système solaire. Mercredi, on prendra le large avec le voilier d'exploration scientifique Tara Océan qui vient de repartir pour une nouvelle mission océanographique de grande ampleur consacrée au microbiome marin. Jeudi, nous descendrons sous la Terre avec les scientifiques qui tentent de percer les mystères paléolithiques de la grotte Chauvet. Et enfin, vendredi, plaisir d'offrir. Ce sera une table ronde actualité avec trois lutins chroniqueurs pleins de cadeaux et de joie pour célébrer les informations scientifiques à côté desquelles on a pu passer cette année. On se retrouve demain et d'ici là, regardez le ciel. Ce soir, Saturne a rendez-vous avec Jupiter.